Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Joseph Mankiewicz, ah quel homme ! Il ne faisait pas de cinéma comme les autres, simplement son travail. Les plus godardiens d'entre vous se souviennent sans doute de ce bout de dialogue extrait de Nouvelle Vague, un film dans lequel JLG saluait Joseph Mankiewicz en donnant à son premier rôle féminin le nom de Torlato Favrini, celui de l'aristocrate de la comtesse aux pieds nus qui, en l'épousant, fait de Maria Vargas Ava Gardner la comtesse qu'il assassinera. Simplement son travail, Joseph Mankiewicz, peut-être, mais alors quel beau travail, à rendre jaloux plus d'un cinéaste. L'aventure de Madame Muir, Chaîne conjugale, Ève, l'affaire Cicéron, Soudain l'été dernier, Cléopâtre, La comtesse aux pieds nus donc, et encore quelques autres films notables. En 1985, dans Les mardis du cinéma, Michel Cazenave, en compagnie de Jacques Siclier, proposait aux auditeurs de France Culture de se plonger dans l'œuvre cinématographique riche et singulière de Joe Mankiewicz, qui, en plus de ne pas faire du cinéma comme les autres, fut aussi à Hollywood scénariste et producteur. Mardi du cinéma, Joseph Léo Mankiewicz, ou La parole et l'image, une émission diffusée la première fois le 29 janvier 1985 sur France Culture. That when you spend most of your life in one profession, you develop what could be called an occupational point of view. So maybe I can be forgiven for the first thing I thought of that morning. Because I found myself thinking that the staging and the setting, even the lighting, of Maria's funeral were just what she would have wanted. My name is Harry Dawes. Les débuts de Mankiewicz réalisateur, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Et une des caractéristiques du cinéma américain à cette époque-là, ça a été effectivement un fort courant misogyne qui s'oppose en quelque sorte à la déification de la femme du temps de guerre. Alors, il y a une chose qui est assez importante, c'est l'apparition du film noir. Bon, le film noir à partir de 41 avec le Faucon Maltais est essentiellement misogyne. La plupart des femmes qui sont dans ces films sont des garces, des tueuses, des ravageuses, des femmes fatales, type Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort. Et je crois que Mankiewicz, qui était quelqu'un qui réfléchissait sur les phénomènes de société, en a tenu compte. C'est-à-dire, je ne crois pas que lui était misogyne comme Orson Welles a pu l'être en se vengeant de Rita Hayworth dans La Dame de Shanghai en massacrant son mythe, mais qu'il a mis un certain temps avant de se pencher sur le sujet, puisque je crois que son premier film, ou un de ses premiers films en tout cas, Le fantôme de Madame Muir, avec Jean Tierney, n'était pas un film misogyne. Il y avait un portrait de femme très... Bon. Alors, quand il arrive à Chaîne conjugale est un film tout de même de réflexion sociale. Le sujet, peut-être il faut le rappeler un petit peu, bon, trois femmes qui sont trois amies depuis fort longtemps ont l'habitude de partir ensemble tous les week-ends sans leur mari, elles sont quatre en réalité. Et puis un jour, là c'est ce qui fait l'histoire du film, il y en a une qui manque et qui envoie une lettre en disant « je pars avec l'un de vos maris ». Mais lequel, on n'en sait rien. Alors les trois restent avec ça sur le... Bon, c'est cette nouvelle qui leur arrive en pleine figure et se demande laquelle est trompée avec le mari de laquelle la quatrième est partie. Et on a un film qui est construit sur des retours en arrière où chaque femme en quelque sorte réfléchit sur sa vie conjugale et c'est pas brillant. C'est à double détente, c'est-à-dire que d'une part le film est misogyne parce que on s'aperçoit que ces types de femmes américaines, bon, arrivistes, ambitieuses, enfin, moi, je vais pas passer tout en revue, mais chacune a un défaut bien particulier. Bon, ça représente tout de même un panorama sociologique extrêmement, je ne dirais pas noir, mais enfin, tout de même très, très, très gris, très pessimiste. Et en même temps, Je crois que la mise en scène prend de la distance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas carrément un jeu de massacre comme on pouvait le voir à l'époque, pas seulement dans les films noirs, enfin dans tout ce courant où vraiment la femme était devenue un être mauvais. On sentait à travers toute cette partie du cinéma américain le poids terrible du matriarcat. Les poètes sont toujours des devins. Tenez, voici l'œuvre de mon fils, docteur. Voici sa vie qui continue. Elle prend sur la table de la terrasse un mince volume à tranches dorées et l'élève, comme on élève l'hostie devant l'autel. L'or des pages et du titre accroche le soleil. On lit poème d'été. Le visage de Madame Vénable a soudain pris une expression différente. L'expression d'une visionnaire, d'une religieuse illuminée. Au même instant, on entend le chant clair et pur d'un oiseau dans le jardin. Et pendant quelque temps, la vieille dame paraît presque jeune. Poème d'été. Poème d'été, avec la date de l'été. Il y en a 25. Il écrivait un poème par an, qu'il imprimait lui-même sur une presse à bras du XVIIIe siècle, dans son atelier au fond du quartier français. Ainsi, il était le seul à le voir. Il écrivait un poème par an ? Un pour chaque été où nous avons voyagé ensemble. Le reste de l'année n'était vraiment rien de plus qu'une préparation de 9 mois. 9 mois. Oui. La durée d'une grossesse. Et le poème naissait avec difficulté ? Oui, même avec moi. Sans moi, docteur, impossible. Il n'a pas écrit de poème l'été dernier. C'est l'été dernier qu'il est mort. Sans moi. Il est mort l'été dernier. Sa mort a été le poème de son dernier été. Troy. Ah, ça, ça me plaît. Un clown. Vous voyez d'ici la piste de sciure, le clinquant, le brillant, les lumières. Les éléphants, l'équilibriste, les cris de la foule. Les gros milantinelles, la joie des enfants. Ah, c'est très bien. 170 000 livres et sans impôts et en espèces. Les chouettes menaces. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir des chaussures comme ça depuis que mon père m'a emmené au Palladium quand j'étais gosse. J'aurais peut-être réussi dans le spectacle, vous savez. Et on sait jamais. Beaucoup de mes amis l'ont fait et ils sont devenus vedettes. Vous savez comment? En dansant, tout simplement. Merveilleux. Ça ne fait rien, ce que la piste a perdu, c'est la coiffure qui l'a gagnée. À propos de gagner, sommes-nous prêts? Oui. Prenez place, mesdames et messieurs, pour la grande parade. Applaudissez Tindaldi, le clown préféré des enfants, plus fou que Kelly, plus grand que Grott. Messeigneurs, mesdames et messieurs, sur la piste centrale, le roi des clowns, Milo, le vaillant bouffon. Ah, il a l'air de s'amuser. Parce que vous êtes très drôle. Maintenant, ça suffit. Soudain, l'été dernier, une pièce de Tennessee Williams, une pièce très courte et qui pourtant attire Mankiewicz. Qu'est-ce qui attire Mankiewicz dans cette pièce? Qu'est-ce qu'il a voulu tourner très exactement? Je crois qu'il faut dire tout de suite qu'il y a une sorte de relation extrêmement particulière entre Mankiewicz et le théâtre, et assez bizarre si l'on pense que Mankiewicz, bien sûr, est d'abord un homme de cinéma. Dans la mesure où ce n'est pas la première fois que, si on prend une expression péjorative, Mankiewicz fait du théâtre filmé, puisqu'il l'avait déjà fait avec le Jules César de Shakespeare, par exemple, et on verra ensuite dans un grand film, sujet d'ailleurs à beaucoup de malentendus de la part du public et de la critique, un grand film comme Cléopâtre, là aussi, tout un certain nombre d'emprunts et d'emprunts extrêmement forts à une pièce de Shakespeare, et particulièrement à la fin, à cette fin tragique de Cléopâtre dans L'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Il y a plus qu'une simple rencontre dans Soudain l'été dernier, mais beaucoup plus l'indication d'une disposition fondamentale, en quelque sorte, de Mankiewicz, disposition fondamentale dans sa manière de concevoir le cinéma. En effet, il semble que, à travers l'ensemble de son œuvre d'ailleurs, l'un des thèmes privilégié sur lequel Mankiewicz réfléchit sans arrêt, et plus que réfléchit, médite même, c'est la notion de jeu et c'est la notion de spectacle. D'une part, bien sûr, il s'interroge sur ce qu'est le spectacle en général, le théâtre et cinéma confondus. Jacques Séclier nous parle de la thématique, de la manière dont est conçue la femme dans le cinéma américain, particulièrement à travers un film tout à fait significatif comme All About Eve, qui est l'un des premiers films de Mankiewicz. Mais enfin, ce n'est pas pour rien que cette Eve, qui est l'héroïne du film, est une actrice. Et dans un autre film, comme La Comtesse aux pieds nus, bien sûr, tout tourne autour du personnage de Maria Vargas, au départ une danseuse, dont on fait ensuite une grande actrice de cinéma et qui s'échappe de ce milieu. Donc, dès le départ, il y a cette notion de spectacle, et derrière cette notion de spectacle, il me semble que ce que l'on trouve d'extraordinairement profond, c'est, retrouvant d'ailleurs certaines intuitions du théâtre baroque espagnol, par exemple, du siècle d'or, c'est la réflexion sur la notion de jeu. La notion de jeu, d'une part comme jeu de l'homme dans la société, d'autre part comme jeu de l'homme avec son propre destin. En fin de compte, est-ce que la vie elle-même n'est pas un spectacle ou est-ce que le spectacle n'est pas la vie ? Là-dessus, il me semble qu'on a vraiment l'un des fils conducteurs de l'ensemble de l'œuvre de Mankiewicz, et on s'apercevra, comme l'un de ses derniers films, l'un de ses plus grands films d'ailleurs, Le Limier, sera entièrement construit justement sur cette notion de jeu et sur cette notion donc de spectacle que l'on se donne l'un à l'autre, que l'on se donne réciproquement dans une sorte d'effet de miroir incessant, jusqu'au moment où tout à coup le jeu ne devient plus un jeu. Donc je crois que dans Soudain l'été dernier, ce qui a pu intéresser Mankiewicz, justement, d'une part, c'est de reprendre ce qui était au départ un spectacle lui-même pour en faire comme une sorte de spectacle au second degré, dans la transposition du théâtre au cinéma, et d'autre part, c'est de retrouver cette notion de jeu d'une manière tout à fait particulière, qui est celle de la mise en place ou de la mise en scène d'une psychanalyse, même si cette psychanalyse est menée d'une manière tout à fait, je dirais, aberrante par rapport à une psychanalyse réelle, mais enfin on sait là qu'il y a un effet de distorsion qui est dû à l'essence même du cinéma, donc à l'essence même du spectacle. Mais cette psychanalyse, finalement, dans la scène de remémoration, dans l'anamnèse du point de vue philosophique auquel elle donne lieu à la fin, c'est justement la redécouverte d'un spectacle, c'est la redécouverte d'un jeu du héros avec son propre destin. Et donc là, il me semble que nous sommes très profondément au cœur de l'une des interrogations de Mankiewicz, qui est de savoir si, encore plus que la question est-ce que toute vie est un jeu, est-ce que toute vie est un spectacle, c'est est-ce que le spectacle n'est pas, d'une certaine manière, la façon même de s'exprimer de la divinité vis-à-vis de nous, la façon même, si vous voulez, pour prendre des termes moins dramatiques, la façon même de se dérouler du destin, la manière dont nous nous insérons dans lui et la manière dont nous pouvons, à nouveau, il faut se servir de ce mot, dont nous pouvons jouer avec notre propre destin et avec notre propre interrogation sur le sens de notre vie. Maintenant, où madame cacherait-elle les trophées de son talent et de son habileté, hein? Ses rubis, ses émeraudes, ses diamants et ses saphirs, intercalés parmi les dessous garnis de dentelles, dissimulés dans les doubles fonds des cartons à chapeau, ou cousus dans les ourlets des derniers impératifs de la mode, portés une fois et mis au rencard des robes des grands couturiers parisiens, ou peut-être secrètement dissimulé au dos de ce miroir. Quelle meilleure cachette pour déposer ces joyaux! Combien de fois ceci a-t-il réfléchi les yeux brillants qui mentaient, la bouche qui trahissait, qui embrassait et trahissait encore! Je croyais que c'était moi qui étais supposé faire des ravages. En effet, c'était une petite démonstration simplement. Faites-moi plaisir, piétinez ça, s'il vous plaît. Pour Pourquoi moi? Je crains, si c'est moi qui le casse, d'avoir Marguerite sur les bras 7 ans de plus. Merci. Il est important de retrouver ce thème de misogyne dans ce qui est un des grands films d'Hollywood des années 50 et un des plus grands Mankiewicz de cette époque-là, c'est-à-dire All About Eve ou Eve tout simplement. Parce que là, on est dans un milieu d'abord particulier, c'est le milieu du théâtre à Broadway, les actrices, et on est en plein dans la rivalité. Bon, dans Eve, c'est la lutte au couteau, c'est la lutte du clan, c'est la lutte des femmes entre elles. Et alors là, les hommes sont peut-être un peu plus présents, un peu plus dessinés que dans Chaîne conjugale, mais ils assistent à un combat, si j'ose dire, en comptant les coups. Alors là aussi, il faut rappeler un petit peu le sujet, encore que le film soit très célèbre. C'est l'histoire d'une actrice de Broadway, mûrissante, jouée par Bette Davis, elle s'appelle Margot Channing, je crois, dans le film. Bon, Bette Davis est d'ailleurs absolument sensationnelle dans ce rôle, qui accueille un jour une jeune fille venue lui dire, bon, qui vient assister à tous ses spectacles, qui a l'air d'une pauvre fille, avec un petit imperméable, un petit chapeau minable, etc., qui est venue dans sa loge lui faire des compliments. Elle la prend, c'est une admiratrice, le rôle est joué par Anne Baxter, c'est la fameuse Eve du titre, et bon, elle la prend comme secrétaire, et petit à petit on s'aperçoit que Eve est un monstre qui est en train de grignoter le terrain sous les pas de Margot Channing, parce que finalement elle veut faire du théâtre, prendre sa place, et bon, et d'une certaine manière elle y arrive, enfin elle lui prend pas exactement sa place, mais elle devient elle aussi une actrice, et à la fin du film, bon, alors qu'elle est devenue célèbre, elle trouve dans sa loge une fille qui vient lui dire son admiration. On a l'impression que l'histoire va recommencer et que ça se passera toujours comme ça. Et c'est un film très important parce que ça ne se passe pas à Hollywood, ça ne se passe pas dans les milieux du cinéma. C'est le monde du théâtre qui est un monde particulier, mais qui est un monde montré avec un grand réalisme psychologique, comme d'habitude chez Mankiewicz, mais aussi tout de même une certaine cruauté, moi, je trouve. Bon, alors, il faut aussi dire que le film, de la même manière que Chaîne conjugale, est construit sur des retours en arrière, puisqu'on commence par la remise de l'Oscar à Eve, et chacun des personnages qui assiste à cette remise de la récompense, parce qu'elle fait, elle fait tout un discours, pense à ce qu'elle a été, chacun ayant une partie de la vérité sur Eve. Alors là, moi, je trouve que c'est un film un petit peu pirandellien. And so my hat, which has lolled these many seasons, become more firmly rooted about my ears, is lifted to Miss Harrington. I am once more available for dancing in the streets and shouting from the housetops. I thought that one went out with Wolcott. Now down here, here, listen to this. Après tout, Margot Channing n'est pas quelqu'un de parfait. Bon, on s'en aperçoit, elle a mauvais caractère, elle est assez dominatrice, c'est une femme sûre d'elle-même. D'une certaine manière, on se dit, bon, elle est victime de cette intrigante, mais ça n'est pas une vraie victime, bon, piétinée, abîmée, etc. Bon, elle a aussi ses défauts, puisque à un moment donné, d'ailleurs, et c'est ce qui est très étonnant, dans l'entrelac des retours en arrière, des souvenirs, et demain, sa meilleure amie, qui est jouée par Céleste Holm, se prête pour lui donner une leçon parce qu'elle a été insupportable. Elle se prête à la petite machination de la voiture qui tombe en panne d'essence. Margot Channing, ce soir-là, ne peut pas faire son entrée au théâtre. Bon, l'autre se dit, bah, ça lui fera une leçon. Et en réalité, elle a aidé Eve à tisser son piège, puisque ce soir-là, Eve, qui a pris le texte par cœur, sert de doublure à Margot Channing et remporte un triomphe. Et c'est le début de sa carrière. Et cette Eve, elle s'est insinuée dans tout l'entourage. Bon, elle a joué avec les hommes, avec l'homme qu'aime Margot, avec le mari de Céleste Holm. Il y en a qu'un qui n'a pas été dupe. C'est le fameux critique là, qui s'appelle Addison DeWitt dans le film, qui est joué par George Sanders d'une manière merveilleuse et qui lui a tout compris, mais qui finalement joue son jeu et se sert d'elle. Et ça, c'est une chose, je crois, qui est très importante dans le film, c'est qu'il y a tout de même un personnage masculin qui sait tout, qui a tout compris et qui, tout de même, est plus fort que cette intrigante. Alors, Je sais qu'à l'époque, on a beaucoup discuté pour savoir s'il y avait des clés à ces personnages. Bon, il y en a probablement. Ce qui est très troublant dans Ève, c'est un peu effectivement le brouillage des cartes. Parce que, en réalité, c'est la Bautive, c'est toute la vérité sur Ève. Mais est-ce bien toute la vérité? C'est là où il y a un point d'interrogation. Ce qui fait que, ces femmes qui se déchirent, se mordent, avec le sourire d'ailleurs, ou se jouent des tours pendables, on se demande en définitive si elles ne sont pas, d'une certaine manière, prisonnières du milieu du théâtre, du statut social. Autrement dit, c'est tout autant un film de réflexion sur le théâtre qu'un film misogyne. J'allais presque dire qu'il est misogyne plus par le milieu qu'il décrit que par une complaisance envers ce thème qui d'ailleurs commence à passer un peu là au moment où on tourne Ève, le plus fort de la vague antiféminine, on peut bien dire, est passé. Et ça vient là, dans le cinéma de Mankiewicz, comme un grand film, aussi sur la parole, c'est ça. Il y a bien longtemps, je ne sais pas pourquoi ce souvenir me revient. Mon fils Sébastien m'a dit « Ma mère, écoutez un peu. » Et il m'a lu les pages de Melville sur les Encantadas, les îles Galapagos. Et il a dit que c'était là que nous devions aller. Et nous y sommes allés. Cet été-là, nous avons affrété un bateau, un schooner à quatre mâts, aussi semblable que possible au bateau sur lequel avait dû voyager Melville. Et nous avons vu les Encantadas. Mais aux Encantadas, nous avons vu aussi quelque chose dont Melville n'avait pas parlé. Nous avons vu les grandes tortues de mer sortir de l'eau, ramper sur le rivage pour y pondre leurs œufs, ce qu'elles font chaque année. Une fois par an, les tortues femelles sortent de la mer équatoriale, rampent sur la plage chauffée à blanc de ces îles volcaniques, font un trou dans le sable et y déposent leurs œufs. C'est un long et pénible travail que cette ponte dans les trous creusés dans le sable. Ensuite, la tortue femelle épuisée, à moitié morte, regagne la mer. Elle ne voit jamais ses petits. Mais nous les avons vus. Sébastien savait exactement quand aurait lieu l'éclosion. Et nous sommes retournés à temps pour y assister. Vous êtes retournés au... Nous sommes retournés à ces épouvantables Encantadas, à ces tas de volcans éteints, à temps pour assister à l'éclosion des tortues de mer et à leur fuite éperdue vers la mer. On entend des cris d'oiseaux discordants. Madame Vénable lève la tête. La plage est droite, couleur de caviar, grouillait tout entière. Mais le ciel, lui aussi, grouillait. Le ciel aussi grouillait ? Plein d'oiseaux avides de chair fraîche. Plein des clameurs de ces oiseaux, de leurs cris horribles et féroces. Des oiseaux carnassiers ? Sur l'étroite plage des Encantadas, au moment où les tortues de mer qui venaient d'éclore sortaient péniblement de leurs trous dans le sable et se lançaient dans leur sauve-qui-peut vers la mer. Leur sauve-qui-peut vers la mer ? Pour échapper aux oiseaux avides de chair fraîche, si nombreux que le ciel était presque aussi noir que la plage. Elle regarde encore en l'air. On entend les cris féroces, discordants des oiseaux, des cris de rapaces. Le bruit arrive par vagues, comme un chant sauvage et rythmé. Et la plage tout entière était vivante, tout entière vivante. Avec les jeunes tortues qui se précipitaient vers la mer, tandis que les oiseaux planaient au-dessus d'elles, attaquaient en piqué, remontaient planer, puis attaquaient en piqué. Ils s'abattaient sur les jeunes tortues, les retournaient, exposaient leur ventre tendre, crevaient ce ventre à coups de bec, déchiquetaient et dévoraient la chair. Sébastien estima que sans doute une sur 10 000 au maximum, réussirait à s'échapper et à gagner la mer. Qu'est-ce que votre fils trouvait de si passionnant dans ce spectacle sur la plage ? Mon fils était à la recherche de... Disons qu'il s'intéressait aux tortues de mer. Vous alliez dire qu'il était à la recherche de quelque chose ? Soit. J'allais dire que mon fils était à la recherche de Dieu. Et je me suis arrêtée, parce que j'ai eu peur qu'en disant qu'il cherchait Dieu, je ne vous fasse penser en vous-même encore un de ces petits prétentieux atteints de folie douce, ce que Sébastien n'était pas. Tous les poètes cherchent Dieu, tous les bons poètes, et c'est pour eux une quête beaucoup plus difficile que pour les prêtres. Car ils l'entreprennent sans l'aide des manuels célèbres et des expéditions bien organisées dont les prêtres ont le privilège, les saintes écritures et les églises. Eh bien voilà, c'est dit. Mon fils était à la recherche de Dieu. Ou plutôt, à la recherche d'une image claire et nette de Dieu. Ce jour-là, sous les feux du ciel équatorial, mon fils est resté au poste de vigie du bateau, à regarder ce qui se passait sur la plage des Encantadas, jusqu'à ce que la nuit l'empêche de voir. Et quand il est redescendu, en sautant de l'échelle de corde, il a dit « Cette fois-ci, je l'ai vu. » Il voulait dire « Dieu ». Le personnage principal est un personnage féminin qui est au bord de la folie. On ne saura jamais si elle est folle ou si elle ne l'est pas. Et elle représente aussi certainement pour Mankiewicz un intérêt tout à fait particulier dans la mesure où elle est en plus en contradiction avec un autre personnage féminin qui, lui, est redoutable. Oui, bien sûr, là nous avons une dialectique assez étonnante entre d'une part le personnage de Catherine qui est interprété par Elizabeth Taylor et puis celui de Mrs. Venable, sa tante, interprétée par Katharina Byrne. D'une part d'ailleurs, mais je dirais même au niveau du jeu tel qu'il est conçu dans le film, il y a cette sorte de rencontre entre deux monstres sacrés du cinéma, mais bien sûr par-delà ce jeu premier, il y a le renvoi à un jeu beaucoup plus profond, entre d'une part ce principe féminin ou cette jeune femme, et ce n'est sans doute pas pour rien d'ailleurs qu'on retrouvera aussi Elizabeth Taylor plus tard dans Cléopâtre, donc de cette jeune femme incarnant une sorte de féminité droite et une sorte de féminité reconnue vis-à-vis de la féminité tordue, maternelle, maternante, mais maternante au mauvais sens du terme, que représente Mrs. Venable, que représente Katharina Byrne dans le film. Il me semble, de ce point de vue-là, qu'il y a là aussi, à nouveau, un jeu tout à fait étonnant. Dans la mesure où, bien sûr, Elizabeth Taylor, Catherine dans le film, est présentée au départ comme étant folle, ou je dirais que ce qu'on appellerait en termes psychiatriques une borderline, au bord de la folie. Et il est certain que la pièce de Tennessee Williams s'est terminée d'une façon assez ambiguë. On ne savait pas si elle était folle ou si elle ne l'était pas. Peut-être simplement ne l'était-elle pas. Le film, lui, sans doute d'ailleurs par l'adaptation qui a été faite par Gore Vidal, le film, lui, est beaucoup plus clair. Et la fin, comme dans une sorte, là aussi, de renversement du jeu même, qui a été celui du film, nous montre qu'en réalité, elle n'était pas folle et que c'est elle qui porte la vérité. Parce que il y a une sorte de traitement aussi du thème de la folie dans l'ensemble des films de Mankiewicz, comme une sorte d'interrogation de la folie étant à son tour une espèce de jeu ou une espèce de manière dont la divinité joue avec nous. Il y a là-dessus une déclaration, d'ailleurs à l'intérieur même du film, où on voit Elizabeth Taylor s'interroger sur la manière dont Dieu justement se manifeste dans la réalité, se manifeste dans le monde, et elle fait appel à un proverbe portugais qui déclare que Dieu écrit notre destin avec un alphabet dont nous ne connaissons pas les lettres, et nous essayons simplement de le déchiffrer. Et par rapport à la pièce de Tennessee Williams, l'une des originalités de Mankiewicz est justement d'avoir introduit quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'existait pas dans le texte initial, qui est le passage de son héroïne dans une clinique psychiatrique. Je veux dire par là que nous avons le spectacle de deux folies différentes. D'une part, la confrontation avec la folie réelle, avec particulièrement deux scènes où on voit Elizabeth Taylor se perdre une fois dans une salle des hommes, particulièrement d'ailleurs à travers les gros plans qui sont donnés sur les visages, on se rend tout de suite compte qu'il s'agit de schizophrène, et ensuite à travers la salle des femmes comme une sorte de miroir des propres questions qu'elle se pose. Et puis il y a la folie supposée de Catherine, la folie supposée d'Elizabeth Taylor. Et on se rend bien compte là qu'il y a deux folies tout à fait différentes, puisque d'une part il y a une folie clinique, une folie qui aboutit au silence, car l'une des choses qui est le plus marquante, qui est le plus frappante justement lorsqu'on est en face des véritables schizophrènes, c'est bien le fait qu'ils sont incapables de parler, que la seule réaction humaine qu'ils peuvent avoir c'est celle de rire, alors que Catherine, au contraire, connaîtra le processus d'anamnèse, connaîtra le processus de ressouvenir qui lui permet de retrouver la scène fondamentale autour de laquelle s'ordonne tout le film. Et on se rend compte à ce moment-là qu'il y a un renversement complet de la folie. C'est-à-dire que la folie n'est peut-être plus la folie des hommes, celle que l'on trouvait dans l'hôpital psychiatrique, mais que s'il y a folie, et en fin de compte c'était plus ou moins annoncé en même temps par la manière dont Mrs. Venable, dont Catherine Hepburn parlait de la folie de Dieu lors du voyage qu'elle avait fait avec son fils au Galapagos, c'est que s'il y a une folie, c'est peut-être, en fin de compte, la folie qui serait intérieure, qui serait intime à la constitution même de Dieu, et que c'est nous qui serions les victimes et les jouets de la folie de Dieu. Si vous voulez, de ce point de vue-là, j'étais toujours très très frappé par la parenté assez étroite, tout à fait intime même, qu'il y avait entre ce qu'il y a d'implicite dans ce film et un film assez méconnu de Jerzy Kawalerowicz, Mère Jeanne des Anges, où à la fin de ce film, on voit une méditation avec un rabbin sur les grands textes de la Kabbale, et qui se termine par une méditation sur le mal, et sur le mal comme la folie de Dieu. En fin de compte, on retrouve aussi tout un certain nombre de considérations d'Abellio, par exemple, dans les yeux d'Ézéchiel sont ouverts, nous disant que peut-être, dans une sorte de vertige de la pensée, la folie de Dieu est le repos de Dieu lui-même vis-à-vis de sa propre création. Et on peut se demander si à la fin de l'été dernier, ce n'est pas à une telle considération que l'on est confronté, et si la maladie mentale, ou ce que l'on supposait la maladie mentale de l'héroïne, ce n'était pas justement de n'avoir pas su assumer, ou d'être amené à assumer peu à peu, ce jeu de la folie de Dieu vis-à-vis des humains que nous sommes. L'honneur est-il satisfait? Le score à égalité, un jeu partout. L'honneur? C'est encore un nouveau mot. Je sais que vous avez fait beaucoup plus que de me mettre à nu. Je sais que j'ai été écrasé, terrifié à en mourir. Je sais que j'étais là, sur cet escalier, regardant en bas, et me rendant compte que les boutons de ma veste sur cette manche, la rampe de l'escalier, et l'ongle de mon quatrième doigt étaient absolument les dernières choses que je verrai avant la fin. Et après, j'ai entendu le bruit de ma propre mort. Eh bien, cela vous change un homme. Et croyez-moi, je suis encore votre débiteur pour cela. Mais bon, cela passera, c'est le choc, mon cher ami. Laissez-moi vous donner un... Le score à égalité, maintenant, c'est fini. Il n'en est plus question, et surtout ne dites plus un jeu partout. Dans le jeu, l'important, c'est d'y prendre part, simplement. Toutes ces femmes, que ce soit dans Chaîne conjugale ou dans Ève, bon, finalement, elles mettent toute leur énergie dans leurs ambitions sociales ou dans leur rivalité ou dans leur besoin de conquête de ceci ou cela, mais elles perdent. Et c'est frappant dans Chaîne conjugale, puisqu'il y a une des femmes qui est frigide, bon, dont le mariage est raté à cause de ça, elles perdent finalement toute leur énergie sexuelle et sentimentale. Bon, même si dans Ève, il y a aussi des histoires d'amour, puisque Margot Channing aime un homme, bon, tout est placé sur le plan de l'ambition, l'arrivisme, le statut social, et il est évident que Monkey Weeks, qui par certains côtés, je pense, c'est un cinéaste romantique. Bon, dans notre domaine, ça, c'est vrai qu'il y a le regret, disons, de la femme ancienne. Bon, mettons la femme de spectacle, si on veut, mais aussi de cette société américaine des années 50. Bon, il y a une cassure sociale et il y a une cassure dans le cinéma. Avec quoi voulez-vous votre jean? Avec de la glace? Avec de la glace? Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Jack, le matelot jovial. Lui et moi avons des rapports vraiment formidables. Je me charge des plaisanteries et lui rit et applaudit. Tenez, mon ami! J'étais vous ça derrière la cravate. Il n'a ni ri ni applaudi. Il n'était pas censé le faire. Non, j'ai cru que vous vouliez être drôle. Oh, il saura quand je le serai. Je vois. À votre santé. À la vôtre. Ah. Et qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'obstruction affreusement compliqué de la quatrième dynastie appelée Sénat. J'étudie cette chose depuis des mois, mais je ne suis toujours qu'un débutant. Vous voulez bien remettre ça en place? Cela m'a pris des heures pour l'amener là. En colonne du centre. Un quatrième en partant de la droite. Alors, et si je comprends bien, vous voulez épouser ma femme? Pardonnez-moi d'aborder ce sujet, mais comme Marguerite vient de partir pour quelques jours dans le Nord voir ses parents, j'ai pensé que ce serait peut-être un bon moment pour que nous bavardions un peu tous les deux. Rita, your bare feet are showing. Ciao, no tieni derecho entra. Now, I don't speak Spanish and you do speak English, so the only way we can make any progress is to... I did not say to come in. You did not say to stay out. You did not actually say nothing. Anything. Your English is very good. Where'd you learn it? No te quieres, I plantado como un idiota. Comportate como si fueras de la familia. This man, he is my cousin. This man, he is your cousin. Did you come to see me for the same... On a l'impression que le retour en arrière, et je dirais le phénomène de ressouvenir, en fin de compte, est quelque chose de consubstantiel même à la recherche de la vérité. Comme s'il y avait une sorte d'interrogation sur l'énigme des êtres, et comme s'il y avait en même temps une impossibilité à connaître le fond même du mystère d'un être. Oui. Dans la mesure où aussi ces flashbacks sont toujours en réalité distribués entre différents personnages qui introduisent chacun une vue particulière sans que l'on puisse savoir exactement où est jamais la vérité. Un jour, quelques jours après avoir cessé d'aller à la plage. C'était un de ces jours où Cabeza de Lobo n'était plus qu'une fournaise blanche. Pas une fournaise bleue, non. Une fournaise blanche. Oui. Nous avions déjeuné tard dans un de ces restaurants en plein air sur la mer, comme ils en ont là-bas. Sébastien était aussi blanc que la lumière de ce jour-là. Il portait un impeccable complet de chantoun blanc, une cravate de soie blanche, un panama blanc et des souliers blancs, de fins souliers de lézard blanc. Il n'arrêtait pas de tamponner son visage et sa gorge avec un mouchoir de soie blanche et d'avaler des petites pilules blanches. Et je savais que son cœur était en mauvais état, que cela lui faisait peur, et que c'était la raison pour laquelle nous n'étions pas allés à la plage. Où en étais-je? Ah oui, le déjeuner de 5 heures dans un de ces restaurants de fruits de mer sur le port de Cabeza de Lobo. C'était entre la ville et la mer. Il y avait des enfants nus sur la plage, qui étaient séparés du restaurant par des barbelés, et notre table se trouvait à moins d'un mètre des barbelés qui tenaient les mendiants à distance. Il y avait des enfants nus sur la plage, une bande d'enfants nus effroyablement maigres et noirs. On aurait dit des oiseaux plumés. Et ils accouraient, ils venaient se presser contre les barbelés comme si c'était le vent qui les apportait, le vent chauffé à blanc qui venait de la mer. Et ils criaient tous « Pane, pane, pane !» Pane ? Oui, cela veut dire « du pain ». Et ils faisaient des bruits goulus avec leurs petites bouches noires. Ils enfonçaient leurs petits poings noirs dans leurs bouches et ils faisaient des bruits goulus avec des sourires atroces. Bien sûr, nous regrettions d'avoir choisi ce restaurant. Mais il était trop tard pour partir. Pourquoi était-il trop tard pour partir? Je vous l'ai dit. Mon cousin Sébastien ne se sentait pas bien. Il n'arrêtait pas d'avaler ses petites pilules blanches. Je crois qu'il en avait tant avalé qu'elles avaient fini par l'affaiblir. Ses yeux. Oui, dans ses yeux, il y avait un regard hébété, mais il disait... Ne regarde pas ces petits monstres. Les mendiants sont la plaie sociale de ce pays. Si on les regarde, on se sent dégoûté du pays. Tout est gâché. Continuez. Je continue de temps en temps. Il faut que j'attende que ça redevienne clair. Sous l'effet de la piqûre, il faut que ce soit une vision ou bien rien ne vient. Vous y êtes ? Quand j'étais avec lui, je faisais toujours ce qu'il me disait. Alors j'ai cessé de regarder la bande d'enfants nus. Je n'ai même pas regardé quand les serveurs les ont chassés loin des barbelés avec des bâtons. Les serveurs se sont précipités par une petite porte de la barrière comme des soldats qui se lancent à l'attaque. Et ils les ont battus. Ils les ont chassés au milieu des cris, loin des barbelés, à coups de bâton. C'est un peu comme chez Renoir, là. Où est le spectacle, où est la vie? Je pense qu'il y a des rapports, pas stylistiques, mais enfin thématiques, avec certains films de Renoir, et en particulier avec Le Carrosse d'Or, qui est un film sur le théâtre, mais les théâtres ambulants du XVIIIe siècle, je crois. Bon, mais qu'on trouve aussi dans d'autres films. Alors, c'est là où, évidemment, on débouche presque tout naturellement sur La Comtesse aux pieds nus, qui est effectivement un renversement de la tendance misogyne, mais avec quand même un portrait, bon, un type de femme, Sava Gardner, bon, tout le monde le sait, un type de femme qui, d'une certaine manière, devient tout de même inaccessible. C'est-à-dire que je crois que là, il retrouve Mankiewicz, peut-être il rêvait à la femme d'autrefois, il l'a retrouvée, la femme d'autrefois, enfin, et puis en définitive, elle échappe à tout le monde. Alors ça... moi, c'est un film d'ailleurs qui a été monté, il faut le préciser, en production indépendante, qui n'a pas été, c'est pas un produit hollywoodien comme les deux autres. C'est un film terrible sur Hollywood, puisque on y voit passer le milieu du cinéma, et qui n'a pas été, je crois, au début très très bien accueilli aux États-Unis. Alors, bon, ça commence dans un cimetière italien, il pleut à torrents. On voit la statue d'Ava Gardner au-dessus d'une tombe et on apprend que c'est le jour de ses obsèques. Bon, qu'elle était mariée à un comte italien. Et plusieurs personnages, dont un est Humphrey Bogart, qui est le personnage masculin le plus étonnant, le plus honnête, le plus chaleureux du film, bon, que tour à tour, ces personnages masculins vont se souvenir de ce qu'a été cette femme qu'on est en train d'enterrer, et qui au début est une Espagnole qui danse pieds nus dans un cabaret de Madrid, où un soir, un producteur américain accompagné de Bogart, qui est plus ou moins impresario, la découvre et la décide à venir. Enfin, c'est Bogart qui la décide d'ailleurs à venir, c'est pas l'autre. À venir à Hollywood et en fait une star. Et alors, il y a tout le processus de fabrication d'une star qui est tout de même démontée d'une façon impitoyable, parce que on voit avec quel les caprices de ce producteur, le besoin de fabriquer un objet, les relations aussi des milieux cinématographiques avec dans les palaces, la Côte d'Azur, un peu partout, avec le monde, ce qu'on appelle la Jet Society. Je disais pas encore tout à fait, mais c'était un peu ça. Et puis au milieu de tout ça, cette femme qui résiste à ce qu'on veut faire d'elle, ça je trouve que c'est tout à fait étonnant, parce que d'une certaine manière elle joue le jeu, elle devient effectivement une star, mais en réalité elle se dérobe à toutes les combinaisons masculines, jusqu'au moment où elle en trouve un, qui est le comte italien joué par Rossano Brazzi, Torlato Favrini, qui intervient dans une scène qu'on voit deux fois d'ailleurs selon deux points de vue, où elle a été en public humiliée. Il arrive, il la tire de là, c'est le chevalier servant, c'est le prince charmant, et il l'emmène dans sa famille et finalement il l'épouse. Il est évident que là elle est séduite. Alors le revers de la médaille, si on peut dire, c'est que cet homme, elle l'aime. C'est le premier, me semble-t-il, dans le film, parce qu'avec Bogart, il y a une grande amitié. Ça, c'est très très beau. Je crois que c'est un des rares films où on a montré qu'il pouvait y avoir une amitié profonde entre un homme et une femme. En plus, quand c'est Bogart qui fait l'homme, et Ava Gardner, qui était à l'époque d'une beauté fantastique, qui est vraiment bonne. On se dit, c'est pas bon. Logiquement, ça devrait être une histoire d'amour. Or, c'est entre une histoire d'amitié. C'est absolument merveilleux. Donc elle sait prendre cet Italien. Qui l'épouse, qui fait d'elle une comtesse, qui la rend heureuse, mais alors là intervient un thème qui a fait couler beaucoup d'encre chez les critiques, qu'on a qualifié de stendhalien, c'est qu'il est impuissant. Elle a une liaison avec le chauffeur parce qu'elle voudrait donner un héritier à cet homme dont la famille est en train de s'éteindre, et puis lui, fou de jalousie, il la tue. D'où l'enterrement, auquel on revient à la fin avec cette dernière histoire. Alors là, c'est un film qui est effectivement à contre-courant complet de ce qui s'est passé avant. Non pas à contre-courant du cinéma de Mankiewicz, je pense pas, mais à contre-courant de la misogynie. Là, brusquement, vous avez un personnage de femme dont on peut dire qu'il est profondément émouvant, non seulement parce qu'Ava Gardner est belle, non seulement parce qu'elle joue bien, mais parce que tout ce qui lui arrive, d'une certaine manière, le spectateur le ressent d'une façon très émotionnelle. Qu'elle soit une star, elle l'est un peu malgré elle. Elle a tout pour être une star, mais elle ne veut pas l'être. C'est-à-dire que chez elle, il y a pas ambition. Il n'y a pas la volonté de domination, il n'y a pas la volonté de conquérir les hommes, il y a une espèce de liberté extraordinaire qui, au milieu de toute cette carrière fabriquée, reste intacte, mais une liberté qui, en définitive, aboutit à la mort. Et le personnage qui le comprend le mieux, c'est encore une fois Bogart, qui l'a... est aussi utilisé d'une façon complètement différente de ce qu'il faisait d'habitude. En même temps, on se demande... Moi, chaque fois que je vois ce film, j'avoue que... je le connais pourtant assez bien, disons. J'ai la même émotion à la fin, la même impression qu'il y a quelque part une injustice. qu'elle n'aurait pas dû mourir. Et en même temps, c'est dans la logique des choses, et c'est dans la logique de parce que derrière tout ça, il y a Hollywood. Bon, il y a non seulement le spectacle, mais le monde du cinéma. Bon, là, on a l'impression que Mankiewicz dit, ben voilà, Hollywood fabrique des stars, bon, et finalement, il les tue. Maria Vargas? Senora Vargas? A venir a molestar la gente esta sola. Para algo importante. I'm sorry, no. Hablo español. I look for Maria Vargas. Maria? Maria no está. No, wait a minute. This is important. Mucho importante. Why you wanted to find him, my sister, so important? Dr. Livingston. ¿Qué quiere de María? Dile que se vaya, si no nos meterá jaleo si María perderá su empleo. Eso que te preocupa. Tu hija o su tabaco. ¿You got cigarettes? Help yourself. Keep the pack. I've got more. Now, look, I'm an American film director, and I was talking to your sister tonight about going to America to play in the movie. And I want dime to lo que quiere de María. I can't find Miguel, it. Baja la radio. María se va a América para ser estrella de cine. No, no quiero. Toda mi vida trabajé con una negra para tus hombres, destrozándome las manos. Ahora le toca a María. Miguel, la radio. It's good you don't understand my mother. It's liar. Miguel, no te lo repito más. We're going to fight this out later. I haven't got much time. Look, brother, I don't know what your troubles are, but I've got to find Maria. It isn't as if I had all night. Every minute counts. Michel Cazenave, il y a aussi un rapport social qui se joue entre les personnages. On peut dire que dans l'ensemble des films de Mankiewicz, il y a là aussi une réflexion, une méditation extrêmement profonde sur la constitution de la société et en même temps sur la lutte inhérente à la structure de toute société, c'est-à-dire un principe, pour prendre un terme marxiste, un principe de lutte de classe qui est sans arrêt présent. Et avec la volonté en même temps de voir comment on pourrait d'une manière ou d'une autre dépasser ce principe de lutte intérieure à toute organisation sociale. Si vous voulez, par rapport à la thématique à la fois morale d'une part et métaphysique de l'autre, qui marque tous les films de Mankiewicz, travers l'ensemble de ses œuvres, je pense à Chaîne conjugale par exemple, où on voit la manière dont justement quelqu'un de très riche épouse une pauvre secrétaire et tous les problèmes que cela pose justement par l'inadéquation des psychologies de l'un à l'autre, à travers un film comme La Comtesse aux pieds nus, où il y a le plus grand écart possible entre d'une part le comte de Torlato Favrini qui finira par épouser Maria Vargas, héritier de toute la grande aristocratie italienne, et puis cette petite danseuse justement qu'on allait chercher dans la boue des quartiers populaires de Madrid. On le retrouve tout aussi bien dans Le Limier, bien sûr, par l'opposition entre, à nouveau, l'aristocrate que joue Laurence Olivier et le directeur de salon de coiffure que joue Michael Caine, ce qui fait que tout jeu métaphysique se double en même temps d'un jeu social. Et dans Soudain l'été dernier, c'est tout aussi clair, d'autant plus clair même que contrairement aux autres films, comme précisément Chaîne conjugale ou La Comtesse aux pieds nus ou Le Limier, cette opposition de classe, d'une certaine manière, est presque forcée, elle est presque imposée à l'intérieur du scénario, puisque la jeune Catherine, qui fait partie de ce qu'on appellerait les Petits Blancs dans la Nouvelle-Orléans et dans la Louisiane, à laquelle fait référence le film, se trouve être en réalité la nièce de Mrs. Venable, qui elle au contraire fait partie de la grande aristocratie que l'on suppose d'origine francophone de cette même Nouvelle-Orléans. Alors il peut paraître évidemment étonnant qu'il y ait une telle différence de classe et d'un point de vue social à l'intérieur d'une même famille. L'important justement n'est pas d'être sensible à cette invraisemblance, mais beaucoup plus il me semble de s'interroger sur cette invraisemblance même et de se demander pourquoi elle est introduite là. Si ce n'est qu'il y a la volonté extrêmement délibérée de marquer justement ou d'introduire cette différence de la lutte que représente tout rapport social en lui-même et de le marquer de l'introduire d'une manière aussi arbitraire, en fin de compte, pour marquer en même temps, comme tout jeu, à nouveau on retombe sur cette notion chez Mankiewicz, comme tout jeu est forcément, et par lui-même, et par nature, par essence, dirait-on, la marque d'un conflit intérieur qui est celui de la constitution même du monde. À la limite, je dirais, à partir du moment où le conflit, à partir du moment où le jeu est ce qui fonde l'humanité, et peut-être même, nous l'avons vu, ce qui fonde la divinité, alors je dirais, d'une manière quasi nécessaire, la société elle-même, en tant que reflet, en tant qu'organisation d'hommes, doit devenir elle-même un reflet, un miroir de cette propre organisation, c'est-à-dire un conflit, et un conflit même violent, entre différents principes, entre différents niveaux qui se méprisent les uns les autres. Car on voit bien comment, lorsque Mrs. Venable parle de sa nièce, lorsque sont introduits d'ailleurs les personnages du frère d'Elizabeth Taylor, de la mère d'Elizabeth Taylor, nous sommes devant une sorte de trivialité, de vulgarité affichée, alors que, au contraire, Mrs. Venable, et on peut le deviner, Sébastien, est quelqu'un d'une grande, je dirais, subtilité dans le comportement, dans la manière de s'habiller, dans la manière d'être, dans la manière de se mouvoir dans les rapports sociaux. Et ce que l'on peut se demander, c'est si, d'une certaine manière, à partir d'un certain degré de jeu dans la société, ce jeu que représente justement Mrs. Venable en tant que, je dirais même plus qu'en tant que grande bourgeoise, en tant qu'aristocrate, car vraiment là aussi, si ça se passe à la Nouvelle-Orléans, ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire dans une tradition très précise de regret, en quelque sorte de nostalgie, de souvenir de ce que pouvait représenter une aristocratie de type européen et même plus précisément de type francophone. Donc si ce jeu, cette subtilité n'est pas l'envers, n'est pas le revers, de la même manière que Sébastien, derrière sa blancheur, en réalité, a au plus profond de son cœur la noirceur même de la manière dont le monde est conçu, dont le monde se donne à voir et à lire. Cette subtilité n'est pas l'envers de, justement, d'un rapport qui est un rapport de sadomasochisme, qui est un rapport de maître à esclave, qui est un rapport à nouveau, justement, de la manière dont tout destin est un destin imposé, dont tout destin joue avec nous, se moque de nous, et plus que de se moque de nous, nous précipite dans l'enfer qui est chargé de se révéler. La bande d'enfants s'est mise à nous donner la sérénade. À faire quoi ? À jouer pour nous. Avec des instruments, à faire de la musique. Oui, si on peut appeler cela de la musique. Oui. Leurs instruments étaient des instruments de percussion. Vous me comprenez ? Oui, des instruments de percussion comme des tambours. Je leur ai jeté des coups d'œil en cachette quand mon cousin Sébastien ne regardait pas. Et d'après ce que j'ai pu voir, dans l'éblouissement blanc de la plage, ces instruments étaient faits de boîtes de conserve, attachées ensemble. Boîtes de conserve, attachées ensemble. Et puis d'autres morceaux de métal, aplatis, pour faire des... Quoi ? Des cymbales. Vous savez, des cymbales. Oui, des plaques de cuivre qu'on frappe l'une contre l'autre. C'est cela, docteur. Des boîtes de conserve aplaties et frappées l'une contre l'autre. Oui, des cymbales. Je comprends. Qu'est-ce qui vient ensuite dans votre vision ? Et d'autres avaient des sacs de papier. Des sacs faits de gros papier. Avec quelque chose sur une corde à l'intérieur des sacs. Quelque chose qu'ils faisaient monter et descendre. Aller et venir. Pour produire une sorte de... Une sorte de... Une sorte de bruit comme... Un bruit comme... Oumpa, oumpa, oumpa, oumpa. Ah, comme le son d'un tuba. Oui, c'est cela. Il produisait un son de tuba. Oumpa, oumpa, Oompa. Comme le son d'un tuba. Oompa, oompa, oompa, oompa. Comme... comme... le son d'un tuba. Pendant tout le déjeuner, ils sont restés assez près. Continuez. Suivez votre vision, Catherine. Oui, oui, je continue. Plus rien ne peut m'arrêter maintenant. Votre cousin Sébastien était diverti par ce concert? Je crois qu'il était terrorisé. Pourquoi était-il terrorisé? Je crois qu'il avait reconnu certains des musiciens. Certains de ces jeunes garçons qui n'étaient plus tout à fait des enfants. Oui, mais alors cette folie se différencie fondamentalement de la folie qui l'entoure, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'au bout du compte, ce sont tous ceux qui l'entourent qui sont atteints de folie. Oui, le problème, en fin de compte, dans beaucoup de films de Mankiewicz, est d'arriver à cerner ce qu'est le mystère de l'être. Et donc la manière dont l'être peut s'insérer dans le monde, peut trouver sa place dans la réalité. Mais en même temps, il y a une sorte de conception extrêmement baroque d'une certaine manière, et à la fois une conception assez désespérée de cette réalité humaine, justement comme reflet d'un autre mystère indicible, qui serait le mystère de l'être lui-même, avec un E majuscule, bien entendu, de cet être lui-même dont on n'est pas sûr qu'en fin de compte il ait toute sa raison, et peut-être que nous sommes plongés dans un jeu dérisoire dont nous ne connaissons pas les clés. Si vous voulez, c'est justement cette sorte de début absolument étonnant d'un film comme Le Limier, où lorsqu'on voit Michael Caine se rendre au rendez-vous que lui a donné Laurence Olivier, il doit entrer dans un labyrinthe, et tout le début du film est son errance à travers le labyrinthe pour arriver au centre, et au centre dans lequel se trouve ce joueur invétéré que représente Laurence Olivier, et on se rendra compte peu à peu au long du film, ce joueur qui est en même temps plus ou moins psychotique, c'est-à-dire plus ou moins marqué de folie. Donc comme si le monde se présentait lui-même comme un labyrinthe dont nous ne connaissons pas en réalité le centre, dont nous cherchons le centre, et en n'étant pas tout à fait sûr que ce que nous allons trouver au centre, ce n'est pas un reflet de notre propre aliénation, ce n'est pas un reflet en même temps de notre interrogation ou de notre détresse devant le mal qui marque le monde. Et si vous voulez, cette sorte d'interrogation très profonde sur ce mystère de l'être et ce mystère de l'être qui se dérobe dans notre propre cœur, et ce mystère de l'être, à nouveau avec une majuscule, qui se dérobe lui-même dans sa propre folie, c'est un peu, finalement, dans une sorte, je dirais, de structure de films policiers métaphysiques, que sont beaucoup de films de Mankiewicz, ce qu'on retrouve par exemple dans des films comme La chaîne conjugale, ou dans, c'est la structure même d'un film comme La comtesse aux pieds nus, c'est même la structure d'un film comme Docteur Pretorius, qui pourtant se présente comme une comédie, c'est-à-dire une structure très labyrinthique dans la conception du film lui-même, puisque c'est fait de d'échanges incessants entre des flashbacks et le présent, comme si on hésitait sans arrêt entre la réalité du passé et la réalité du présent, comme si les héros eux-mêmes ou les héroïnes elles-mêmes n'étaient pas toujours très sûrs d'exister. Et en même temps, il y a cette fonction, je dirais, de recherche, cette fonction d'interrogation que représente toujours justement le fait que l'on essaie de se souvenir, et à travers l'essai de souvenir, de comprendre le présent pour savoir, pour être capable de faire le point, être capable de comprendre quelque chose dans une destinée achevée, parce que toute destinée, en fin de compte, se présente elle-même comme un mystère à percer, et comme s'il y avait toujours quelque chose qui échappait, et même lorsque nous nous trouvons devant une fin heureuse, un happy end par exemple, comme dans Chaîne conjugale, on se rend bien compte qu'il y a une espèce de décalage qui fait que, à travers même la réconciliation des héros, il existe une sorte de principe d'échappatoire, il existe une manière de ne pas pouvoir totaliser les destins, qui fait qu'une part de mystère reste toujours, et qui renvoie justement à ce mystère plus profond, à ce mystère à la limite indicible, qui fonde la destinée même, et dans lequel s'inscrit cette destinée, et sans laquelle on ne peut pas le comprendre. Enfin, si vous voulez, il y a une sorte de jeu tout à fait paradoxal. On ne peut pas comprendre une destinée sans ce mystère, mais à cause de ce mystère, on n'arrivera jamais à comprendre une destinée. Écoutez, ce qui est arrivé, j'y peux rien. Je veux dire, si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. je vous en prie. Je quitterai le pays. Vous n'entendrez plus parler de moi. Mais pourquoi, Arnaud? Pourquoi moi? Pas de pleurnicherie. Il faut que je sache pourquoi! Vraiment, je m'étonne que vous ayez à le demander. Je vous hais. Je hais votre belle mine engageante et votre aisance. Je parierais que vous êtes à l'aise dans un chalet de ski, à l'aise sur un yacht, à l'aise sur une plage, c'était sûr! Que vous porteriez une médaille porte-bonheur en or autour du cou. Et je parie que vous avez le torse velu et que l'été chaque poil est passé à l'huile solaire. Et ce n'est pas tout! Je vous hais parce que vous êtes un jobard d'Italien aux yeux bleus. Et pas l'un des miens. Un coiffeur prétentieux et servile, tout juste capable de séduire les femmes stupides. Un domestique parvenu qui ne sait pas se tenir à sa place. Est-ce que vous pensiez réellement que j'allais vous abandonner ma femme et mes bijoux? Vous n'espériez pas que je me rendrais à ce point ridicule? Pourquoi pas? Vous ne l'aimez pas? Que je l'aime ou non, je l'ai trouvée. Je l'ai épousée. Et elle porte toujours mon nom. Autrefois, elle était amoureuse de moi. Mais dans ces deux films, Chaîne conjugale et Ève, il me semble qu'il y a une position finalement assez particulière de l'homme. Je veux dire que, d'ailleurs, vous le faisiez ressortir dans All About Eve, le critique est finalement pas du tout quelqu'un qui se bat, comme on le faisait généralement dans les films misogynes d'Hollywood, qui se bat contre la puissance féminine, qui essaie de s'en dégager, mais c'est beaucoup plus quelqu'un, je dirais, d'extraordinairement lucide, et en même temps d'une sorte de résignation devant cet état de fait, comme si, en réalité, le véritable problème des femmes était beaucoup plus ce combat de mentes religieuses qu'elles mènent les unes contre les autres. Et d'un autre côté, dans Chaîne conjugale, par rapport au personnage d'Adi Ross, cette quatrième femme, qui ne viendra jamais, qui n'existe qu'on pas à la limite. Qu'on ne voit jamais, oui, qu'on peut penser qu'elle n'existe pas, d'ailleurs. C'est ça, si elle n'existait pas. On peut se demander si, d'une certaine manière, et par cette inexistence, par cette absence même, elle ne représente pas comme une sorte de rêve de l'homme, d'insatisfaction de l'homme devant sa femme réelle, et une sorte, en même temps, je dirais, de nostalgie, justement, de l'ancien mythe de la femme qui avait été particulièrement incarnée par, les deux grandes figures que sont Greta Garbo d'un côté et Marlène Dietrich de l'autre. Oui, absolument. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de, je dirais, d'inflexion, surtout du côté de Ève, d'inflexion dans l'œuvre de Mankiewicz qui annonce, d'une certaine manière, ce que va être la Comtesse aux pieds nus, à la fois, justement, par cette mélancolie, en quelque sorte, de ne plus pouvoir connaître, disons, le phénomène de l'amour, tel que le représentait la grande star. Et d'autre part, en même temps, c'est ce qui me semble tout à fait intéressant dans La Comtesse aux pieds nus, par cette sorte de réflexion, je dirais, sur le spectacle en général. Do you understand now why it is so important to me for you to believe that I love you with all of my heart? The report will tell you that almost the only undestroyed part of me is my heart. I love you with all of it. Ava Gardner, en fin de compte, échappe à tous les hommes, c'est parce que, d'une certaine manière, elle ne veut pas se laisser aimer par des hommes qui seraient indignes de ce qu'elle représente et des valeurs, je dirais, de l'intuition profonde de la vie qui est la sienne. Et on a une sorte de dichotomie, je dirais, géographique, entre d'une part l'Amérique qui ne comprend même pas ces valeurs qu'elle représente, et d'autre part ce comte italien, le comte de Torlato Favalini, qui l'aime, qui l'épouse, mais qui, je dirais, n'a plus qu'une sorte de sens de l'âme exsangue, et qui justement, à travers son impuissance, est incapable d'assumer véritablement cet amour. Alors, lorsque je vois ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser en même temps au grand film qu'avait déjà tourné Ava Gardner, même s'il n'avait pas été reçu comme tel à l'époque, qui était Pandora. Oui. Et la question que je me pose, je ne sais pas du tout si Mankiewicz en était conscient, mais il y a peut-être une sorte de logique objective qui se met en marche ainsi, à travers l'horizon cinématographique, c'est si le drame de la femme qui est bâtie, enfin qui est jouée par Ava Gardner, c'est justement d'être une Pandora qui ne peut plus rencontrer de Hollande et Volant, comme si notre monde, et comme si les hommes finalement, étaient devenus incapables justement d'assumer la femme au plan mythique, non pas au plan mythique, je dirais au sens aliénation du mythe, mais au contraire, le mythe en tant que parole de vérité sur la réalité la plus profonde. Quand ils viendront, pensez-y. Dites aux policiers que c'était un de vos foutus jeux. Le plus idiot, simplement. Mon cousin Sébastien a quitté la table. Il est sorti du restaurant comme une bête traquée. Il a jeté une poignée de billets sur la table et il s'est enfui. Je l'ai suivi. Dehors, tout était blanc. Chauffé à blanc. Une fournaise chauffée à blanc. À 5 heures de l'après-midi dans la ville de Cabeça de Lobo. On aurait dit... On aurait dit qu'un os, un gigantesque os blanc, avait pris feu dans le ciel, et qu'il brûlait d'une flamme si blanche qu'il rendait le ciel tout blanc, et blanc aussi tout ce qui se trouvait sous le ciel. Blanc? Oui, oui, blanc. Et vous avez suivi votre cousin Sébastien hors du restaurant, dans la fournaise blanche de la rue? La montée, puis la descente en courant. Vous avez monté et redescendu la rue? Non, non, non. Enfin, si, enfin. Sébastien s'est mis à monter la pente avec une main sous sa veste posée sur sa poitrine, à l'endroit où je savais qu'il avait mal à cause de ses palpitations. Mais il s'est mis à marcher de plus en plus vite. Il était pris de panique. Mais plus il marchait vite, plus c'était fort et proche. Qu'est-ce qui était de plus en plus fort? La musique. Encore la musique? Le oumpa, oumpa. Oumpa, de la bande qui nous suivait. Ils avaient réussi à franchir les barbelés, à envahir la rue, et ils nous suivaient, tandis que nous montions dans la fournaise blanche de la rue. La bande d'enfants nus nous poursuivait sur la pente abrupte de la rue blanche, sous le soleil qui était comme un grand os blanc de bête géante qui aurait pris feu dans le ciel. Sébastien s'est mis à courir, et ils ont tous crié ensemble, et on aurait dit qu'ils volaient. Ils l'ont rattrapé si vite. J'ai crié. J'ai entendu Sébastien crier. Il a crié une seule fois quand cette bande de petits oiseaux noirs et des plumées qu'il poursuivait l'a rattrapé à mi-hauteur de la colline blanche. Et vous, Catherine, vous, qu'avez-vous fait ensuite? J'ai couru. Mais où avez-vous couru? Vers le bas. Oui, j'ai couru vers le bas. La direction la plus facile, c'était vers le bas. Vers le bas, vers le bas. Vers le bas de la rue brûlante, de la fournaise blanche de la rue, en criant « Au secours !» pendant toute la course, jusqu'à ce... Quoi ? Des serveurs, des agents de police, d'autres gens sortent des maisons et se précipitent avec moi vers le haut de la colline. Quand nous sommes arrivés à l'endroit où mon cousin Sébastien avait disparu sous la nuée de petits moineaux noirs et déplumés, Il était étendu, nu, comme ils avaient été nus, contre un mur blanc. Et cela, vous n'allez pas le croire. Personne ne l'a cru. Personne ne peut le croire. Personne. Personne au monde ne pourrait le croire. Et je comprends ça. Il l'avait en partie dévoré. Ils avaient arraché, coupé des morceaux de son corps avec leurs mains, ou avec des couteaux, ou peut-être avec les boîtes de conserve déchiquetées qui leur servaient à faire de la musique. Ils avaient arraché des lambeaux de son corps et les avaient enfoncés dans leur petite bouche noire et féroce, leur petite bouche vide et goulue. Tout était silencieux maintenant. Il n'y avait plus rien à voir que Sébastien, ce qui restait de lui, et qui avait l'air d'un grand bouquet de roses enveloppé dans du papier blanc, déchiré, jeté, écrasé, contre ce mur chauffé à blanc. Et puis il y a bien sûr le jeune homme dont on se souvient, Sébastien, qui soudain l'été dernier. Et ce jeune homme, en réalité, représente apparemment une partie de l'âme de chaque personnage de ce film. Et aussi bien l'ombre que... plutôt l'ombre, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'il y a là une sorte de jeu à nouveau, je pense qu'on ne peut pas éviter ce mot lorsqu'on parle de Mankiewicz, de jeu à l'intérieur du scénario, qui nous fait assister, là aussi, à un renversement. Et il faut bien se souvenir que la notion de renversement est toujours extrêmement importante chez Mankiewicz, dans la mesure où il y a un jeu des apparences et de la réalité, et où la réalité se révèle pratiquement toujours être le contraire de ce que l'on pensait. Par exemple, dans un film comme Le Limier, c'est extrêmement important, puisque tout le film, justement, qui est à la fois totalement labyrinthique par rapport aux premières images qu'on voit, et qui est totalement un jeu, puisque pendant plus d'une heure et demie, on n'assiste qu'au jeu entre deux personnes, dans une sorte de huis clos infernal, et où la fin elle-même est le renversement complet, c'est-à-dire que le jeu se termine par ce qu'il est réellement, c'est-à-dire le jeu tragique même de la vie, et donc par la mort de l'un des deux personnages, et la prise au piège. Et c'est là une notion extrêmement importante chez Mankiewicz, et la prise au piège de l'autre. Eh bien, dans Soudain l'été dernier, c'est un petit peu la même chose. À savoir qu'il va y avoir un renversement complet dans la manière dont nous prenons le personnage de Sébastien, le fils de Mrs. Venable, de Catherine Hepburn, le cousin de Catherine, le cousin d'Elizabeth Taylor. Au début, en effet, on voit Sébastien à travers les yeux de sa mère. Donc c'est quelqu'un qui apparaît comme... presque dégagé des contingences matérielles. À la limite, il ne faudrait pas forcer beaucoup pour dire qu'il apparaît avec une sorte de nature angélique. Nature angélique, d'ailleurs, qui est soulignée, et ce n'est sans doute pas pour rien, par la référence constante à la blancheur, justement, qui serait à la fois une blancheur physique, une blancheur morale, une blancheur métaphysique. Pourtant, il y a une interrogation qui se pose très très rapidement, c'est l'utilisation autour d'ailleurs de l'image de ce fils mort, autour de l'image de Sébastien, c'est l'utilisation ou l'introduction très rapide du thème du mal et du mal fondamental qui est celui de la création que fait le personnage joué par Catherine Hepburn. Il y a d'abord cette espèce de scène qui commence à mettre à l'aise, dans laquelle on voit cette presque vieille femme nourrir des plantes carnivores avec des mouches qu'elle leur donne vivantes, et une sorte de fascination précisément devant ce spectacle de la vie qui dévore la vie elle-même, comme si l'univers n'était que mort. Et c'est repris ensuite par la description des îles Galapagos, de cette ruée des tortues vers la mer au moment de la ponte, et puis cette description des oiseaux qui tournent autour de l'île, qui foncent sur les tortues, les renversent, et les mangent, les dévorent, comme si toute la vie n'était qu'un processus de dévoration, comme si le destin lui-même, en fin de compte, comme le grand Saturne classique de la mythologie grecque, comme si toute la vie elle-même n'était que sa propre dévoration, ou plus exactement comme si nous étions les proies du destin et que nous devions tomber un jour dans le piège du destin par lequel nous serons avalés, par lequel nous serons engloutis et à la limite, je dirais, par lequel nous serons digérés dans une sorte justement d'efflorescence de la puissance du mal. Donc on peut déjà à ce niveau-là se poser des questions sur le personnage de Sébastien. Et ce qui va se produire, c'est une sorte de bouleversement de ce personnage, en même temps de retournement de ce personnage, et à travers un thème tout à fait particulier à Mankiewicz aussi, qui est celui de la stérilité. Sébastien est un poète, et déjà c'est un poète assez étrange, puisqu'il n'écrit qu'un poème par été, donc un poème par année. Or, il se trouve tout à coup, un jour, lorsqu'il est avec sa cousine, soudain l'été dernier justement, qu'il ne peut plus écrire de poème, mais en même temps, on peut se demander pourquoi cette stérilité et à quoi elle est reliée. Or, ce qu'on nous laisse quand même très clairement entendre à l'intérieur du film, c'est que si Sébastien est stérile, c'est qu'il y a une relation avec une constitution psychique qui lui est très particulière, qui est en fin de compte une homosexualité à peine latente et presque déclarée. Et là aussi, il y a quelque chose d'extrêmement typique dans la pensée de Mankiewicz, dans la mesure où dans un film comme La Comtesse aux pieds nus, la stérilité, là aussi, est marquée par ce qui devait être l'homosexualité du mari de l'actrice, de Maria Vargas, qui l'empêche de consommer son mariage avec elle. Bon, on sait que c'était ça, c'était le scénario original, qu'il a été plus ou moins changé par la suite à la demande des producteurs qui pensaient que moralement, à l'époque, il était difficile de faire passer cette idée auprès d'un public. Mais il y avait bien cette idée, justement, et c'était ça qui était la volonté manifeste de Mankiewicz lorsqu'il tournait le film, c'était que on se trouvait devant une stérilité, donc une incapacité à assumer le destin, à assumer la vie avec tous ses dangers, mais en même temps toutes ses exaltations, si on est capable de l'affronter, par cette homosexualité, et donc par le fait même qu'on se retranche de la féminité, et d'une certaine féminité qui est, je dirais, royale vis-à-vis de la vie, à la fois dans le personnage de Catherine, à la fois dans le personnage de Maria Vargas, dans La Comtesse aux pieds nus, et bien sûr alors dans le personnage de Cléopâtre, dans cette sorte de ce qu'on a cru une superproduction de la part de Mankiewicz, alors que c'était au contraire une sorte de réflexion extrêmement profonde justement sur les rapports de la femme et du destin. Or, lorsqu'on a vu ce lien entre la stérilité et l'homosexualité, on se rend compte que la blancheur de Sébastien, à la fois en tant qu'homme et en tant que poète, est une blancheur que j'appellerais une blancheur noire. Ce n'est qu'une blancheur apparente, mais qui se transforme, qui se renverse en elle-même pour désigner au contraire comme le vecteur même, justement, de ce mal, et de ce mal qu'il avait tellement fasciné dans son voyage aux îles Galapagos. Et là aussi, on voit comment tout à coup, ce qui l'avait attiré, ce qui lui avait donné la première notion de Dieu, et ça c'est bien dit très très clairement, à la fois d'ailleurs dans la pièce de Tennessee Williams et dans le texte tel qu'il est repris dans le film, ce qui l'avait tellement fasciné aux îles Galapagos, c'est-à-dire cette dévoration saturnienne à laquelle j'avais fait allusion, eh bien ça va se renverser justement dans le destin de Sébastien lui-même, qui à son tour et à travers en même temps, je dirais, son impureté morale, contrastant avec la blancheur physique qui est la sienne, avec les vêtements blancs dont il se vêt toujours, par contraste en même temps avec la luminosité de la scène dans laquelle se passe toute la fin de l'action, toute la fin du ressouvenir de Catherine, va dévoiler d'une part d'abord la noirceur fondamentale de son âme par l'exercice, je dirais, d'un rapport sadomasochiste extraordinairement fort vis-à-vis des jeunes Espagnols devant lesquels il se trouve, comme s'il jouait sur une zone très, très trouble, et qui est celui, en fin de compte, d'une sexualité dont on ne sait pas très bien où elle doit se placer, puisqu'il se sert de sa cousine comme rabatteuse, si l'on peut dire, mais bien pour les ramener justement dans un autre registre sexuel que de la manière dont il avait attiré ces jeunes Espagnols, et ce renversement qui va être qu'à la fin, lorsque ces gamins, en fin de compte, puisque pour la plupart ce sont des gamins, vont se retourner contre lui, ils vont lui appliquer le principe même qu'il avait découvert aux îles Galapagos, c'est-à-dire que le destin va se retourner contre lui, et ça va être à lui d'être déchiré, déchiqueté, et même mangé, dévoré dans une scène de cannibalisme absolument extraordinaire, qui est en même temps une scène de cannibalisme rituel, bien sûr, dévorée par ces jeunes Espagnols. Et ce qui est tout à fait étonnant dans le film, qui n'existait pas dans la pièce d'ailleurs, où cela se passait simplement dans ce port de Cabeza de Lobo, mais sans donner plus d'indications, c'est que dans le film, on se rend compte que la poursuite, le gravissement de la colline par Sébastien, qui essaie d'échapper à ces jeunes Espagnols, l'amène dans un décor de temples, de colonnes, et qui rappelle d'ailleurs d'une manière tout à fait certaine lorsqu'on le voit, qui rappelle les temples du Mexique, et particulièrement les temples aztèques. Et ce n'est pas pour rien, là aussi sans doute, qu'il y a une référence implicite à une religion dans laquelle le fondement même était le sacrifice, dans lequel on extrayait le cœur de la victime pour ensuite manger ce cœur. Donc si vous voulez, il y a là cette sorte de révélation à travers le ressouvenir de Catherine, ce ressouvenir justement qu'il s'agit de faire revenir au jour, comme pour aller chercher cette vérité enfouie, comme pour faire ressortir en même temps justement ce mystère de l'être de Sébastien, ce mystère qui est le contraire même de la vie que l'on croyait qu'il pouvait avoir, pour faire ressortir donc à la fois sa noirceur, mais sa noirceur qui est comme la traduction justement en même temps, et c'est là que la thématique est toujours extraordinairement forte et extraordinairement cohérente chez Mankiewicz, ce mystère qui fait ressortir le mystère même de la divinité, ou le mystère même du destin, ou le mystère de la condition humaine, tout simplement. C'était Joseph Léo Mankiewicz ou La parole et l'image, un mardi du cinéma proposé par Michel Cazenave en compagnie de Jacques Siclier, diffusé la première fois le 29 janvier 1985 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream. that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.